Le consulat général de France est fermé. Pour avoir des informations concernant les visas, tapez 1. Pour avoir des informations concernant le service des Français, tapez 2. En cas d'urgence absolue concernant un ressortissant français en danger, tapez 3.